Dois-je croire qu'ils ont envahi l'Irak pour y rétablir la justice? Chasser la tyrannie et l'injustice, mais où sont les armes de destruction massive de Saddam qui leur permet de justifier leur offensive? Quelles sont les preuves claires et explicites que l'Irak a appuyé et financé les terroristes? Quels sont les liens entre le peuple irakien et cet attentat sanglant du 11 septembre 2001? À ce jour, il n'y en a pas, ils n'ont même pas été capables de les fabriquer. Ils ont démontré au monde entier qu'on peut opposer la force à la vérité. Écoute-les au nom de la démocratie, mais au fond pour le pétrole, leur tank avance, subitement leur avion décolle. Il pleut des bombes sur les civils et les maisons qui voudraient me faire croire que leur folie a une raison. Ni enfants ni femmes ne sont épargnés, on découvrira plus tard les charniers. Leurs frappes ne sont pas chirurgicales, leur but est malsain, donc leurs moyens sont sales. Après la destruction, ils se disputent pour partage de la reconstruction. Ils vont main basse sur l'exploitation du pétrole, c'est le prix de la libération. Ils apportent les problèmes, ils ont les solutions. Ces principes du racket et de l'extorsion font à la Maison Blanche depuis l'arrivée des faucons. On a plutôt tendance à prendre les gens pour des vrais cons. On parle plus d'informations mais de propagande, brandissant sans cesse les événements du 11 septembre. C'est une tragédie que je condamne fermement. Maintenant c'est dit, mais ça leur donne pas le droit de bafouer les droits et l'honneur. Cette torture en Irak, une horreur. T'as vu ces hommes à même le sol, nu, tenu, en laisse comme des chiens détenus dans des conditions indécentes. Je trouve cette situation inquiétante. Détenu dans des conditions indécentes, je trouve cette situation alarmante. Jusqu'à quand, jusqu'à quand et jusqu'où? Jusqu'à quand, jusqu'à quand et jusqu'où? Jusqu'à quand, jusqu'à quand et jusqu'à quand? Jusqu'à quand et jusqu'à quand? Jusqu'à quand et jusqu'où? Être humain avant d'être artiste, je connais le sens du sacrifice. C'est le fond, je fais le taf des journalistes, comme Rocky qui note mon nom sur leur liste. Jusqu'à quand et jusqu'où serons-nous témoins de l'injustice? Comme Michael Mann, je résiste, je suis témoin mais jamais complice. Être humain avant d'être artiste, je connais le sens du sacrifice. S'il le faut, je fais le taf des journalistes, comme Joachim qui note mon nom sur leur liste. Vas-tu croire que tous les musulmans souhaitent voir couler le sang des innocents? Comment que face à l'injustice ils se réjouissent, que chacun d'entre eux cache un terroriste? Comment vas-tu croire que l'islam n'a pas préservé le droit des femmes? Comment vas-tu croire ce qu'ils veulent que tu crois? Vas-tu être ce qu'ils veulent que tu sois? Ou vas-tu te forger ta propre opinion? Vont-ils t'imposer leur propre vision? Es-tu de ceux qui suivent, dont ils se servent, ou de ceux qui réfléchissent, analysent et qui savent? On vit à une époque de manipulation, les yeux ne suffisent plus pour déceler l'information. Les extrémistes de toutes parts alimentent les tensions. Attention, vers un choc des cultures nous marchons. Vas-tu croire que l'ONU est résolue à faire appliquer toutes ces résolutions? Qu'elle reste ferme face à toutes les nations, ou qu'elle n'est guère qu'une cour de récréation? Où les plus puissants s'imposent, n'obéissent que si ça arrange leur cause. Une cour où les plus puissants s'imposent, n'obéissent que si ça arrange leur cause. Ouvre grand les yeux et reste vigilant, ne cède pas ce monde de plus en plus violent. Les dirigeants nous volent et les médias nous mentent. Je peux pas me taire car je suis de la résistance. Faut pas nous prendre pour des teubés. Faut pas nous prendre pour des teubés. Nous ce qu'on veut c'est la vérité. Nous ce qu'on veut c'est la vérité. C'est le P3 qu'ils sont venus chercher. C'est le P3 qu'ils sont venus chercher. Au nom de la liberté. Au nom de la liberté. Jusqu'à quand et jusqu'où serons-nous témoins de l'injustice? Comme Michael Moore je résiste, je suis témoin mais jamais complice. Être humain avant d'être artiste, je connais le sens du sacrifice. S'il le faut je fais le taf des journalistes, comme Joachim qui note mon nom sur leur liste. Come on, yeah. Tambour, tambour. Come on, yeah. Timbale, timbale. Come on, yeah. Cymbale, cymbale. Come on, yeah. Grosse caisse, grosse caisse. Come on, yeah. Cloche, cloche. Rien n'a changé, je combats toujours l'injustice. D'où qu'elle vienne, ce qu'importe de qu'elle provient. T'as pas dire que je suis anti-américain. Moi, ce qui m'importe c'est la vérité. Ce qui m'importe c'est la vérité. Je vais pas dire que je reviens hardcore. Hein. Non, on peut pas faire plus hardcore que si c'était à refaire. Kerry James, Kerry James 2001. Là, c'est Kerry James 2005. 2005 pour 2006. Je suis toujours fidèle à mes convictions. Comme dans le passé, je suis sur une mission. La vérité, rien que la vérité.